viens danser avec moi à petits pas de chat, le cha-cha-cha. Viens danser s'il te plaît, non ce pas n'est pas laid, le cha-cha-lait. Viens danser sur mon dos, je ne dirai pas un mot, le cha-cha-mo. Viens danser dans la rue, noyé dans la cohue, le cha-cha-u. C'est ma fripouille que je te tripatouille, la tcha-tcha-touille. Viens danser ma gitane pour que ton esprit plane, le tcha-tcha-man. Viens danser, ne crains pas qu'on nous traite en paria, la tcha-tcha-ria. Viens danser cet idiot, ça tourne comme un yo-yo, le tcha-tcha-yo. C'est tous en groupe, on a le vent en poupe, la tcha-tcha-loupe. Viens danser tous en train, même si l'on pleure un brin, le tcha-tcha-grain. Viens danser si t'as froid, en écharpe en parka, la tcha-tcha-pka. Viens danser sur cet air qui nous fait quitter terre, le tcha-tcha-terre. Viens danser, n'aie pas peur, reprenons des couleurs, la tcha-tcha-leur. Viens danser, c'est loufoque, avec mon ventre en cloque, le tcha-tcha-doc. Viens danser, ma toute belle, les cloches nous appellent, la tcha-tcha-pelle. Viens danser, mon pacha, à petits pas de chat, le tcha-tcha-tcha-tcha.